Musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. À vous toutes et bien, bienvenue à l'écoute d'Arc-en-Ciel. Nous sommes déjà mardi, déjà, et puis nous sommes déjà, il est 13h passé de 30 minutes. Voilà donc et bien, le retour comme tous les mardis. Voilà donc, et bien, très heureux d'être vous pendant toute l'après-midi avec beaucoup de chansons pour vous faire plaisir. Voilà aussi, j'espère que j'ai passé un bon début de semaine et on voit très bien que le temps a un peu changé. La pluie un petit peu là, le soleil, bon, tout cela s'arrange un petit peu, mais tout simplement la musique est toujours présente. Que vous avez passé une très bonne matinée avec Lorenzo entre 9h jusqu'à midi, ainsi que vous allez le retrouver, et ainsi que vous allez le retrouver vendredi matin, tout simplement à partir de 9h. Voilà donc, et bien, sans plus tarder, je vous laisse avec bien sûr les chansons, et je vous laisse avec Anamo. Et puis juste après, Yves Dutheil. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Passer des heures à répéter son numéro en attendant une vie meilleure. Il épatait les badauds et il allumait une cigarette. Il soufflait dessus. Les spectateurs étaient en fête. La cigarette a disparu. Un jour, dans un petit bistrot, il rencontra la petite Lulu qui lui dit : t'as pas l'air idiot. Dans la vie, que fais-tu ? Il alluma une cigarette, il souffla dessus. La petite Lulu était en fête, la cigarette a disparu. La petite faisait des yeux tout ronds, elle s'était gagnée pour le dodo. Elle se ferait plus douron, il travaillerait en duo. Elle allumerait les cigarettes, elle soufflerait dessus. Elle compterait les recettes, un sujet n'en parlons plus. Les temps étaient très difficiles, dans le quartier on les voyait trop. Fallait courir de ville en ville, plus question de prendre le métro. Suffisait plus d'une cigarette, de souffler dessus. Il fallait se creuser la tête, ces petits trucs-là ne prenaient plus. Sacrifiant ses économies, une caisse en bois il acheta. Mais pourquoi cet énorme si? La petite Lulu comprenait pas. Et ainsi, cette fois par semaine, il la coupait en petits morceaux. La belle se plaignait à peine de quelques fourmis dans le dos. Passer ses jours au fond d'une caisse, convenez-en, ça n'est pas drôle. Et la petite voulait qu'il cesse ou qu'il se coupe à tour de rôle. Mais il ne voulait rien savoir, il ne voulait rien expliquer. Allons, Lulu, y a pas d'espoir. Allons, c'est bien trop compliqué. Une nuit, la belle n'y tenant plus, surprit le gars dans son sommeil. De son air le plus ingénu, elle fit 10 morceaux tous pareils. Elle était fière à juste titre. Elle avait fait du bon boulot. Réveille-toi, fais pas le pitre. Comment recolle-t-on les morceaux? Comment expliquer aux gendarmes qu'elle avait raté son numéro? Et se souciant un peu de ses larmes, ils l'emmenèrent au cachot. Il la garde depuis 20 ans. Elle comprend toujours pas la belle. Pour oublier ses cheveux blancs, elle découpe des rondelles. On ne sait pas toujours à quel point les enfants gardent de leurs blessures le souvenir longtemps. Ni comme on a raison d'aider à s'épanouir cette fleur dans leur âme qui commence à s'ouvrir. Moi qui rêvais d'amour, de musique et d'espoir, je m'endormais cerné de frayeur dans le noir, certain que tous les rêves étaient sans lendemain. Je m'éveillais toujours le vide entre les mains. Chacun vivait pour lui dans sa tête en silence, et je chantais mon âme en pleine indifférence. Encombré de mes joies, troublé de mes envies, faisant semblant de rien pour que l'on m'aime aussi. L'été, on m'envoyait sur le bord de la mer, ou au fond du Jura, profiter du grand air. Écrire à mes parents que je m'amusais bien et m'endormir tout seul, blotti dans mon chagrin. J'essayais de grandir, de m'envoler peut-être, pour cueillir des étoiles à ceux qui m'ont vu naître. J'ai longtemps attendu ce geste ou ce regard qui n'est jamais venu ou qui viendra trop tard. Puis mon frère est parti pour un lycée banal, en pension pour 3 ans parce qu'on s'entendait mal. J'avais cherché sans cesse à croiser son chemin, sans jamais parvenir à rencontrer sa main. Tous mes élans d'amour brisés dans la coquille, j'essayais de renaître en regardant les filles. Aimer c'était malsain, pervers ou malséant. Pourtant c'était si doux, si tendre et si troublant. Aujourd'hui j'ai grandi, mais le silence est là, menaçant qui revient, qui tourne autour de moi. Je sais que mon destin c'est d'être heureux ailleurs, et c'est vers l'avenir que j'ai ouvert mon cœur. Mais j'ai toujours gardé de ces années perdues le sentiment profond de n'avoir pas vécu, l'impression de sentir mon cœur battre à l'envers, et la peur brusquement d'aimer à découvert. On ne sait pas toujours à quel point les enfants garde de leurs blessures un souvenir cuisant, ni le temps qu'il faudra pour apprendre à guérir, alors qu'il suffisait peut-être d'un sourire. Moi qui rêvais d'amour, de musique et d'espoir, j'ai attendu en vain ce geste, ce regard. Mais quand un enfant pleure, il a du chagrin, va savoir un peu ce dont il a besoin. Elle s'habille comme lui, d'un pantalon, d'un blouson. Quand on les rencontre la nuit, on dirait deux garçons. Leur visage paraît masqué, comment deviner qu'il

Les uns les autres te tiennent droit. voici donc Alain Barrière et puis suivi de Petit Laclark. Regarde-toi, Marie, couche-toi là. Tes yeux, ta peau fanée déjà, tes seins trop lourds. À force d'amour, Marie, couche toujours. Tu ne vaux plus rien et ta monnaie n'a même plus coup. Tous les marins, tous les troubadours, ces cœurs perdus trop vite aimés au fil des jours, s'en sont allés, Marie s'en détourne, vers d'autres bras dès que venait le petit jour. Pourtant t'étais belle, Marie, pourtant t'étais tellement jolie dans ce matin où tu souriais à la vie. Pourtant que c'était beau l'amour, pourtant que c'était pur l'amour. Et puis soudain, tout a basculé dans ta vie. Regarde-toi, Marie, couche-toi là. Personne ne croit plus un mot de tes discours. À force d'amour, Marie, couche toujours. Tu ne sais plus que faire semblant jour le jour. Tous les chemins, tous les grands parcours, les petites joies qui font la vie de tous les jours, les a brûlés, Marie sans retour. T'en as trop vite, vite, vite fait le tour. Pourtant t'étais belle, pourtant t'étais tellement jolie dans ce boîte où tu souriais à la vie. Pourtant que c'était bon l'amour, pourtant que c'était pur l'amour. Et puis soudain, tout a basculé dans ta vie. Et maintenant, Marie, lève-toi. Rien ne va plus, les jeux sont faits depuis longtemps. Alors tu vas, Marie, sans éclat. Comme tu peux et comme te mènent tes pas. Pour retrouver, Marie, tes amours. Pour retrouver le parfum des anciens jours. Tu te laisses aller plus souvent qu'à ton tour. Faut bien filer quand les lignes noires tournent autour. Et tu t'en moques, Marie, tu t'en perds. Un verre de moins, un verre de plus. Qu'est-ce que ça fout quand c'est fichu? Et tu t'en moques, Marie, tu t'en perds. Rien ne change les souvenirs, c'est fait pour ça. Et tu prends l'âge, Marie, et sans chichi. Et on te réserveront toujours. Les petits marins, t'es ton badour. Et tu le retrouves. Et recommence la sarabande des hommes. Arc-en-ciel. Well, je l'ai connu là, là, en puissant les gars. Il m'a dit que

On se retrouve juste après. Ainda tenho teu sabor na minha pele. Queria apagar-te os meus desejos. recordar contigo, ficar em teus braços, jamais te deixar. Tu foi o teu tudo, teu porto de abrigo. Vem ficar comigo para sempre te amar. Vou abrir as portas para o felicidade e viver a vida repleta de amor. Eu só quero um sonho contigo a meu lado. Sou um passarinho que agora. Amar, nosso amor é romântico.

on regarde tomber le jour, et puis on fait l'amour en secret. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Voici donc Nathalie Tordici. Dans un vieux rancho de l'Argentine, toutes les vaches s'ennuyaient. Elles avaient vraiment très mauvaise mine et les gauches se morfondaient. Tous les plus grands vétérinaires de Buenos Aires furent consultés. On fit venir enfin un orchestre argentin qui leur exécuta ce petit refrain, c'est le tango ruminant. La chanson des ceux qui s'aiment, de ceux qui vivent sans problème, fidèles éternellement, ces bovins mugissants sont des musiciens dans l'âme. S'abandonnèrent avec flamme à ce tango ruminant. C'est en écoutant cette musique que Rosita connut Jojo. Elle, c'était une vache, mais sympathique. Lui, un amour de petit taureau. Alors, serrant la chère gamine sur sa poitrine, très amoureux, la tenant corne à corne, et les yeux dans les yeux, il murmurait tout bas cet air fameux, c'est le tango ruminant. Mademoiselle, je vous aime, puis-je vous offrir un café grès? Elle accepta bien gentiment. Ils se marièrent sur le champ, fêtés ce jour suprême. Chantons en cœur ce poème, ce petit refrain mugissant. C'est le tango ruminant, c'est la chanson des ceux qui s'aiment, de ceux qui vivent sans problème, fidèles éternellement. Ce doux refrain en silence nous transporte vers les cieux. Ciel. Viens bouger, viens danser le twist. twist, voici Charles Aznavour. La nuit, comme une nappe de velours, plane et s'étire sur les toits, laissant les amoureux pantois devant la triste mort des jours. Et puis, dans le bruit qui soudain s'élève au fond des cœurs et des ruelles, elle répand les étincelles qui montrent le chemin du rêve. La nuit estompe le visage aimé, étouffant rires et sanglots. Il ne reste plus que des mots qu'il faut croire les yeux fermés. La nuit apporte à ma porte une sorte d'ennui. La nuit favorise bien les amours s'en allant de vie à trépas et qui ne supporteront pas la naissance d'un nouveau jour. Et puis, avec ses recoins solitaires et ses clartés artificielles et ses ombres providentielles qui font de rien tout un mystère, la nuit voit mourir l'éclat de tes yeux et dans le noir passe le temps. Tout comme un aveugle, j'attends des lendemains plus lumineux. La nuit apporte à ma porte sa cohorte d'ennui. La nuit, dans un étrange et doux linceul, ensevelit le pauvre cœur qui écoute battre chaque heure au fond de laquelle il est seul. Et puis, à tous ceux qui cherchent fortune dans le bouquet de ses étoiles, le seul trésor qu'elle dévoile n'est jamais plus qu'un clair de lune. La nuit, paraît-il, nous porte conseil, moi je préfère m'enrichir en prenant soin de réfléchir à mes chagrins en plein soleil. Le jour apporte à ma porte une sorte d'amour. Arc-en-ciel. choisi donc Vicky Andros, suivi de Joe Dassin, et puis avant sera Claude François. Des arbres géants couverts de fleurs.

Avec d'autres chansons. Voici donc bien les émissions pour tous avant, les amateurs et amatrices, tout simplement pour aujourd'hui et demain. Voilà donc eh bien pour ce soir. Donc eh bien vous allez retrouver l'émission électrique chaque à partir de 19h. Jusqu'à 21h avec Christophe. Et puis juste après lui, eh bien vous allez retrouver un autre Christophe entre 21h jusqu'à 23h avec les trop live. Pour demain, nous serons déjà mercredi. Puis à mercredi, eh bien vous allez retrouver à partir de 9h jusqu'à midi avec Victor pour l'émission tout simplement en Portugal en fait. Et puis dans l'après-midi, à partir de 14h jusqu'à 16h avec Gloria, la musique de Gloria. Juste après, à partir de 16h, 17h, avec Zik d'ailleurs. Et puis en soirée, donc à partir de tout simplement 18h, 19h30 avec l'émission traditionnelle Violette. Donc on va continuer à suivre avec les chansons, puis je vous laisse avec Eddie Mitchell et puis les chaussettes noires. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. L'été comme l'hiver, tu travailles pour une société de 100 000 actionnaires. Ton nom ici n'existe pas, tu n'es qu'un numéro. Pour être sûr de te garder, on te donne ce qu'il faut, rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme, rien n'est à toi.

camion, chasse les papillons, la végabie. Les cannibales en traitant des sions, arrêtent l'air sans façon, ensuite. Il essayait de leur parler anglais, espagnol, portugais, chinois. Mais en voyant leur mâchoire qui souffrait, il se mit à hurler le froid. Monsieur cannibal, je ne peux pas mourir. Monsieur cannibal, laissez-moi partir. Et la montrait son briquet sans stylo, ça montrait les photos, sa femme. Et leur chanta un concert de couteau, les chansons d'Adamo, de Dalle. Personne ne réagit en plus. Désespéré, il sortit des refus, rempli de filles que tu m'aides. Monsieur cannibal, je ne peux pas mourir. Monsieur cannibal, laissez-moi partir. Quand le grand chef aperçut ses refus, il vit toutes les filles, il rit. Mais dans sa tête, une idée sans revue, une idée farfelue surgit. Dans une case où était son harem, il entraîna lui-même le gars. Qui, en voyant les femmes se ruer sur lui, avec tant d'appétit, hurla. Oh, monsieur cannibal! Je ne peux pas mourir, monsieur cannibal, laissez-moi partir. Pendant 8 jours, il resta enfermé et dut se partager en vain. Et comme déjà il n'était pas bien trop, il perdit 20 kilos au moins. Quand arriva l'instant où le grand chef lui fit comprendre par geste, le pauvre homme s'écria jamais. Oh, monsieur cannibal, je ne peux plus partir. Monsieur cannibal, j'aime mieux mourir. Monsieur cannibal, je ne peux plus partir. Monsieur cannibal, ciel. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Little things that you do make me glad. I'm in love with you. Little things that you say make me glad that I feel this way. The way you smile, the way you hold my hand, and when I'm down, you always understand. You know I love those little things in my ear that you say when there's no one here. Little things that you do let me know that your love is true. When we walk, you like to hold my hand, and when we talk, you tell me I'm your man. You know I love those little things that I hear, the little things you whisper in my ear. I know there ain't nobody else like you. Glad I'm in love with you. Little voici donc du rock'n'roll. Et puis juste après, Colette Chevreau. Se prêter, c'était pour t'oublier, mais en fermant les yeux, je ne voyais que toi, mais en fermant les yeux, je ne voyais que toi. On se saoule, ce son de l'amour. Qu'on se saoule, ce son, ce son de vin. Lorsqu'arrive, arrive, arrive le jour. Le passé, passé, passé nous revient. Dans le cœur des garçons, je t'espérais souvent. Je n'y ai trouvé que peine et que regret. Car malgré leurs soupirs, je ne voulais que toi. Car malgré leurs soupirs, je ne voulais que toi. Qu'on se saoule, se saoule, se saoule l'amour. Qu'on se saoule, se saoule. Passé, passé, passé nous revient. Dans ton cœur de garçon, si un jour tu comprends que l'amour ne meurt pas, tant il est si tenace, alors tu reviendras me faire face à face et vivre une chanson qui ne parle que de toi. Voilà, je vous laisse avec retour avec quelques chansons portugaises. A vontade que eu já tenho de te ver, as saudades de te poder abraçar. Quero respirar Lisboa, sentar-me na dragoa, ver o Tejo correr livre para o mar. Tenho os lábios mais que prontos para sorrir, tenho o coração em pulgas para amar. De Bragança ao Alentejo, enorme este desejo de te reencontrar. Eu sinto que a luz já espreita ao meu redor, é tempo de viver a vida sem pudor. Cantar até estar rouco e ver o sol raiar. Agora libertam-se as amarras, afinam-se as guitarras, seguimos vida fora. Volta a dança, o sai e o bailarico, a marcha e o manjerico, a festa não demora. Agora convocam-se as fanfarras, já se ouvem as cigarras, seguimos vida fora. Porque até a vontade que eu já tenho de te ver, as saudades de te poder abraçar. Quero respirar Lisboa, sentar na Madragoa, ver o Tejo correr livre para o mar. Tenho os lábios mais que prontos para sorrir, tenho o coração em pulgas para amar. Em Coimbra fui estudante e no Douro navegante, assim é meu Portugal. Sinto que a luz já espreita ao meu redor. É tempo de viver a vida sem pudor. Eu vou cantar até estar rouco e ver o sol raiar. Agora libertam-se as amarras, afinam-se as guitarras, seguimos vida fora. Volta a dança, o sal e o bailarico, a marcha e o manjerico, a festa não demora. Convocam-se as fanfarras, já se ouvem as cigarras, seguimos vida fora. Porque até depois da noite triste, o novo dia existe, esta nossa hora. Agora libertam-se as amarras, afinam-se as guitarras.

chão. Avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Voici donc Colette Deval et puis juste après Gérard Lenormand. Thank you.

envie d'aimer, on peut toujours rêver. Une belle fille que l'on titille, que l'on pourra enfin toujours aimer. Viens donc ma belle, tu m'ensorcelles. J'ai envie de t'inviter, ma Simone, au bas du pays, avec tes amis. On sera tous là, tout le monde sera content. Viens vite ma chérie, en retour Simone. C'est toi que j'ai choisi, en retour Simone. Viens dans mon taxi, en retour Simone. C'est jour de folie, en retour Simone. Et en Tunisien, en retour Simone. Ou en portugais, en retour Simone. Viens vite en voiture, en retour Simone. Ou nord-alsacien, en retour Simone. Sera content. Viens vite ma chérie, en retour Simone. C'est toi que j'ai choisi, en retour Simone. Viens dans mon taxi, en retour Simone. C'est jour de folie, en retour Simone. C'est en italien, en retour Simone. Aussi en anglais, en retour Simone. Ou en espagnol, en retour Simone. Someone

Voici donc Daniel Guichard. Avec Dave Sampson. Darling. été de tous mes chagrins. Mais aujourd'hui, je ne sens rien à voir. Parce que j'ai revu Linda, mon cœur bébé. Bon, comme un carrousel, fille, c'est bon. Elle était si belle, bim, bon. Que je l'ai rencontré, car maintenant je suis fait comme un rat, parce que j'ai revu Linda. Oh, ça y est, quand elle a souri, elle a bouleversé ma vie. Mais pour l'amour me brûle et mon cœur me bouscule. Et dom di do di do di, et dom di do di do di. Dans la rue, je me sens un peu perdu. Les copains se demandent pourquoi. Parce que j'ai revu Linda, mon cœur fait bing, bang. I remember my bing, et bang. Et ça me fait mal, bing, bang. Oh, oh, oh, dum, diddly, dum, diddly, dum, dum, dum, dum. Hey, hey, dum, diddly, diddly, hey. Dum di do di do di hey hey, dum di do di do, dum di di dum di di dum dum dum dum hey hey, dum di do di do di hey hey, dum di do di do di hey hey, dum di do di do, dum di di dum. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Voilà, je vous laisse avec le country et juste après Pierre Machelet. Thank you. looking back. It's just a stepping stone to where we are, where we've been. Said we'd do it all again. Remember when? Remember when? Turn gray when the children grow up and move away. We won't be sad, we'll be glad for all the life we've had, and we'll remember when. Like all the nights before, I've just learned that I don't really need you anymore. I found a little place downtown where guys like me can go, and they've got bright lights and country music. Bright lights and country music. That there ever was a past. And when everybody asks me what helped me forget so fast, I'll say bright lights and country music. A table by the bandstand, a bottle filled with wine. Honky-tonks were made for men with women on their mind. Nothing else can take away this loneliness of mine. White light, bright lights, and country music. What helped me forget so fast, I'll say bright lights and country music. I love those bright lights and country music. Voilà, après le country, voici Pierre Bachelet, et puis juste après on écoutera Dick Rivers. Quartier, ça va. Ça doit être passionnant, une vie ainsi partagée comme ça. Trimer pour bouffer saignant et dormir pour digérer tout ça. Bien manger et puis bien bu. Dis merci au petit Jésus, merci. Et nos amours, et pour toujours. Anne le glas là-bas. La radio donne le la, je préfère écouter chez la, chez moi. Les affaires d'outre-mer, ça regarde les militaires, pas moi. Les affaires étrangères, ça regarde le ministère, pas toi. Qui vient, rien du chouette et du très bien, ça va. Le monde qui va, qui vient, fais risette à ton chien, chien, ça va. Paraît que la dernière grippe nous viendra de l'Amérique, ça va. Paraît même que leurs armoires sont bourrées de suppositoires, ça va. Revient le temps de te dire au fond bien. C'en était fait de tous mes chagrins. Mais aujourd'hui, je ne sens rien à part. Parce que j'ai revu Linda, mon cœur bébé. Bon, comme un carrousel, Linda, c'est bon. Elle était si belle, Linda, bon. Que je l'ai rencontré, car maintenant je suis fait comme un rat, parce que j'ai revu Linda au quand elle a souri, elle a bouleversé ma vie. Mais pour l'amour me brûle et mon cœur me brûle. Et dum di do di do di et dum di. J'ai été dans la rue, je me sens un peu perdu. Les copains se demandent pourquoi, parce que j'ai revu Linda, mon cœur fait ping pong. I remember how ping pong, et ça me fait mal ping pong. Oh oh oh, dum diddly dum diddly dum dum dum dum, hey. Et l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, si l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, si l'histoire d'un amour que je croyais vivant, si l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux pour toute la planète. Je voulais, j'espérais que la paix règne en maître en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Tout le temps, oui, tout le temps, tout le temps, oui, tout le temps. Moi je pense à tout ça, non, mais je ne devrais pas te laisser. Que j'avais demandé, si l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, si l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux pour toute la planète. Je voulais, j'espérais que la paix règne en être ce soir de Noël. Tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Voici donc Tino Rossi avec Mes Amis Mucho.

Voilà donc, bientôt l'heure de se quitter, il est 16h40. Voilà donc, on va se quitter sur ce titre de Kenji Girac. Voilà donc, j'espère que vous avez passé bon après-midi tout simplement. Et puis donc, on va se retrouver vendredi tout simplement à partir de 13h30. Et même heure à partir aussi de 13h30 tout simplement pour l'accordéon dimanche. Voilà donc, je vous ai passé bonne fin d'après-midi tout simplement. Et puis pour les vacances, profitez. Sans bien pour vous. Ils sont en vacances. Voilà donc, je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. On est au courant.

Boa tarde, são 4 horas no continente e na Madeira, 3 da tarde nos Açores. Vamos conhecer as notícias que estão a marcar esta terça-feira. Privatização da TAP, o Presidente da República acredita que há vontade do Governo em acolher as preocupações que manifestou no veto ao diploma. Já começou a reunião entre médicos e Governo, mais uma tentativa para chegar a acordo na véspera de um mês que pode ser dramático no Serviço Nacional de Saúde. Israel bombardeou o campo de refugiados de Jabalia, na faixa de Gaza. Entre mortos e feridos, o Hamas aponta para cerca de 400 vítimas. O governo israelita revela que há 3 cidadãos com passaporte português entre os reféns. A esta hora, 18 graus em Lisboa e também no Porto, estão 19 em Coimbra e em Faro. Edição das 4 da tarde com Miguel.